Redline d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. Septième épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde. Ou plutôt pour sauver leur monde. Après de longs combats avec les acteurs principaux, ils découvrent tous les deux, lors d'un cocktail mondain, qu'ils ne sont que de simples figurants. Il se dirige vers la sortie de l'ambassade. Il est temps de rentrer cacher son échec et sa grande solitude sous les draps propres du grand hôtel. Devant les grilles, juste avant de monter dans sa voiture, il la voit. Il ne peut pas l'ignorer. Vous partez ? Oui. Je vous dépose ? Volontiers. Ils montent tous les deux à l'arrière, un peu gênés par la proximité de leur corps. La voiture berce leurs doutes. L'air froid soigne leurs plaies. Demain matin, vous aurez la contribution. Je vais modifier un peu les chiffres cette nuit. On m'a fait comprendre qu'on ne peut pas être trop ambitieux non plus si on veut marquer. On ne va rien marquer du tout. Tout est déjà joué. Mais on va continuer à se battre. Oui, mais pas au même niveau. Vous allez devoir imposer cette contribution aux autres pays partenaires, sans bouger la red line. Et moi, je vais faire le clown et tenter de convaincre les cons qu'on a la meilleure proposition et qu'on sauvera le monde. Vous êtes un peu pessimiste ce soir. Ouais, j'ai vu le Premier ministre, c'est pour ça. Retour à la réalité. Un conseil, restez flou dans cette contribution. Ce sera plus facile pour la défendre. Mais juste... Je me demande, si tous les pays font pareil, on n'arrivera jamais aux 2 degrés. Ça, c'est sûr. Alors au sommet, on va la renégocier. Mais pas du tout. C'est une contribution volontaire. Personne ne nous oblige à rien. Tout ce que vous allez négocier, ce sont des virgules, des synonymes et des verbes. Ensuite, vous allez devoir arracher le plus gros paquet des signatures aux pays réfractaires, les convaincre qu'on ne peut pas faire plus, que c'est déjà pas mal. Bon courage à vous. Bonne soirée. Elle descend. La voiture redémarre. Il la voit entrer chez elle. Allumer la lumière. Il aperçoit l'ombre de son mari. Et la nostalgie revient. Elle est encore jeune. Elle aura le temps de se rattraper. Elle n'a pas encore tout perdu comme toi. Chaque matin, assis dans le grand salon du grand hôtel, il prend conscience de l'ampleur de sa chute. Au gouvernement, plus personne ne lui demande son avis. On dicte les instructions directement à sa négociatrice. Ses anciens collègues de l'université sont en colère par son manque d'action. Avec sa femme, le statu quo. Alors il décide de sauver ce qui reste de ses meubles. Il suit les conseils du ministre des Finances et prend rendez-vous avec une conseillère stratégie et image. Il n'y a plus rien à faire au niveau national. Si tu veux sauver la face, joue à l'international. La médiation a toujours eu un beau rôle dans notre pays. Tu t'organises une petite tournée dans les États les plus affectés par le sujet, tu écoutes leurs dirigeants, tu prends note, et pendant le sommet, tu t'attribues le rôle de médiateur entre le Nord et le Sud. Les défenseurs des pauvres plaisent à tout le monde. Tu respectes la red line. Tu ne fais qu'intermédiaire. La seule chose qu'on va négocier là-bas, ce sera le fonds d'aide. Tu te souviens de la dernière négociation, quand on a parlé du fonds vert et des 30 milliards de dollars à donner aux pays vulnérables? Les États-Unis se sont battus pour ajouter un mot devant la somme, approchant 30 milliards de dollars, car ils savaient très bien qu'ils ne voulaient pas tout donner. Si toi, tu arrives cette année à supprimer le mot « approchant », tu remportes la bataille et tu pars avec une médaille de sauveur de l'humanité. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Parle avec le Premier ministre. Dès qu'il te donne son feu vert, on commence à prendre des rendez-vous et à lancer le voyage. La semaine prochaine, pendant la réunion préparatoire de Bonn, tu feras déjà connaissance avec tes homologues. Ça ira, on est dans les temps. Il appelle le Premier ministre. Il lui expose l'idée. Le Premier ministre est d'accord pour la stratégie, mais un peu sceptique pour le déplacement. Non, trop de frais. Une déclaration fera bien l'affaire, pourquoi se déplacer ? Au cocktail de l'ambassade de Chine, j'ai été approché par un producteur de photovoltaïque qui m'a demandé d'introduire dans le texte de la contribution un engagement ferme sur les subventions de leur secteur. On ne l'a pas fait, mais là, en revanche, avec un voyage d'une telle ampleur, on aura l'occasion de les soutenir au niveau diplomatique. Bon, laissez-moi réfléchir, je vous dirai. Deux jours plus tard, il a la réponse en regardant la conférence de presse du Premier ministre. Va contribuer à hauteur de 100 millions d'euros au Fonds vert pour financer les efforts d'adaptation et d'atténuation entrepris par les pays du Sud via l'appui à nos entreprises qui opèrent sur le marché international dans ce sens-là. Rien sur sa mission. Il ne le comprend plus. Il l'appelle. C'est réglé. La réponse est ferme et directe. Là, on est les premiers à lancer une contribution supérieure à nos engagements de l'année dernière. On est les pionniers de la coopération avec le Sud. Pas besoin de faire plus. Mais on finance nos entreprises, pas le fonds vert. En plus, c'est pas clair du tout, le terme énergie renouvelable n'est même pas énoncé. Ces 100 millions peuvent aussi très bien aller pour la construction d'un gazoduc. C'est pas du tout cohérent avec notre projet. Quand je parle avec vous, j'ai l'impression que je parle à l'opposition. Fin de la communication. Il se retrouve à la case départ. Avec une autre ineptie en plus à défendre au sommet. Il a chaud. Il prend un glaçon de son verre et le presse contre son front. L'eau coule sur son visage. Ça le détend un peu. Le glaçon disparaît entre ses doigts et il encaisse enfin sa défaite. Tout a fondu entre ses mains ces derniers temps. Ses idéaux en premier. Il n'a plus rien à défendre. Que du vent. Que de l'air pollué. Vous venez d'entendre Redline d'Alexandre Abadéa. Septième épisode. Avec Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement. Tiphaine Rabault-Fournier, la négociatrice sur le climat. Pauline Moulin, la conseillère stratégie et images. Alain Langlais de la Comédie-Française, le Premier ministre.